Gros bisous. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. En 1630, l'empereur, englué dans la guerre de 30 ans, cette semaine, les guerres européennes, a voulu rassembler les princes allemands, les princes électeurs, à Ratisbonne, sous forme d'une diète. Catholicisme, protestantisme, de plus, nazisme, des ambassadeurs venus d'un peu partout se rassemblent. Donc c'est également une forme de congrès international qui préfigure les congrès qui vont avoir lieu jusqu'au XXe siècle. Le goût du sang. Histoire vivante, cette semaine, les guerres européennes. Suite de l'entretien avec Claire Gantet, historienne, professeure d'histoire moderne à l'Université de Fribourg. Claire Gantet, on va aborder un nouveau chapitre, c'est celui de la question des armées. Vous écrivez « La guerre va se poursuivre, entretenue par sa propre inertie. Pour qu'il y ait guerre, il faut tout de même du matériel humain. » Or, on le mesure, tout est un peu encore embryonnaire. Donc, quand on parle d'armée, il ne s'agit pas de penser armée comme on pourrait le penser au XXIe siècle, mais une armée au XVIIe, quelle est sa réalité humaine? Sont-ce forcément des corps constitués, ou plutôt des agrégats de volontaires, avec sans doute au milieu des gens qui n'ont pas d'autre choix et qui sont engagés dans l'armée? Alors, je vais vous prendre deux exemples. Tout d'abord, l'armée du roi de France, qu'on pourrait penser très forte. En 1618, l'armée du roi de France compte 20 000 soldats. 20 000 soldats, c'est très très peu. Et bien sûr, on voit qu'il faut l'augmenter. Et Louis XIII fait appel au système de la commission, donc à des commissionnaires, c'est-à-dire des nobles qui doivent lever eux-mêmes des soldats. C'est un peu le système féodal du banc et de l'arrière-banc. Et avec ça, on parvient à 100 000 soldats. Et Richelieu intervient en disant « ça ne va pas du tout, ces nobles guerroient pour leur compte et non pas pour le roi de France ». Il y met fin et donc engage des mercenaires et on obtient 500 000 soldats, une armée gigantesque. Alors sur le terrain, les armées croissent énormément pendant la guerre. Ce qu'on arrive à manœuvrer à peu près, c'est 40 000 soldats. C'est déjà des armées d'une taille considérable pour l'époque. Alors dans le Saint-Empire, il y a une sorte de privatisation de l'armée. Les princes font appel à des personnes qu'on appelle des entrepreneurs de guerre, qui nouent un contrat avec le prince. Ils s'engagent à verser, ou le prince s'engage à verser une première solde, et en retour, l'entrepreneur de guerre doit lever les troupes, doit les armer, doit les équiper, donc doit les entraîner, etc. Donc il y a une sorte de privatisation de la guerre. Il y a un contrat simplement de départ qui verse une solde et c'est tout. Après, l'entrepreneur de guerre est quasiment libre. Et l'un des très grands généraux de l'empereur va être Wallenstein, un noble tchèque, qui va d'abord être congédié par la demande du prince électeur, enfin, duc de Bavière, par peur d'une rivalité. Wallenstein devient trop puissant. Et puis qui va finir par être assassiné par l'empereur, par peur qu'il représente un contre-pouvoir. Donc les armées sont des grandeurs d'une taille inédite, qui peuvent devenir des acteurs politiques elles-mêmes, presque autonomes. Et puis ces entrepreneurs de guerre, bien sûr, lèvent des mercenaires. Renate Ludwig, archiviste, musée du Palatinat de Heidelberg. Les mercenaires étaient accompagnés de leurs femmes et de leurs familles. Les suivaient également des médecins, ou plus exactement des chirurgiens barbiers, des sapeurs employés aux travaux de retranchement et des artisans. En fait, on retrouvait derrière l'armée tout l'éventail de la société, un véritable microcosme. Il y avait aussi les chevaux de selle. Pour un cavalier, on comptait deux valets, deux palefreniers qui s'occupaient des chevaux, et enfin les animaux de boucherie. Cela a très vite changé au cours de la guerre de 30 ans. Les mercenaires ont été livrés à eux-mêmes. Ils devaient piller, même les femmes et les enfants s'y mettaient. La situation devenait particulièrement grave quand cette soldatesque, qui souffrait de la faim et de la soif, et dont le code éthique se réduisait comme une peau de chagrin, tombait sur la population civile. Alors, les mercenaires étaient levés normalement pour une saison. Hein, on fait la guerre avant tout dans la belle saison. Mais comme la guerre dure, hein, ces mercenaires vont dans les fêtes hein, devenir des soldats de métier. Et nous avons des exemples de mercenaires qui ont vécu la guerre. Peut-être qu'on y viendra dans un instant. On a fait une découverte sensationnelle il y a une dizaine d'années d'une fosse. De squelettes de soldats enterrés, et on a étudié ça de façon remarquable et on a pu mettre en évidence que ces soldats avaient survécu à leur entrée en guerre 3 ans et 4 mois. Hein, donc ça vous montre aussi que ces armées se débandent, se refont constamment. Ça n'est pas du tout une armée disciplinée comme on peut l'imaginer à partir de la fin du XVIIIe siècle, Frédéric de Prusse, etc. André Schuger, archéologue, Université de Glasgow. Cette fosse commune nous a donné l'opportunité de faire des recherches sur certaines victimes de la bataille de Lützen. Il y avait environ 47 individus dans ce charnier. Parmi les morts, il y avait aussi un soldat plus âgé, d'environ 45 ans, qui était déjà très affaibli avant la bataille. Il était atteint de la syphilis et avait une grave infection osseuse qui le faisait boiter. Il avait dû être grièvement blessé lors de précédents combats, au visage et à l'épaule. Un auxiliaire sanitaire l'avait probablement remis sur pied et il avait fini par se faire tuer à Lützen, d'une balle dans la tête. Claire Gantet, concernant justement ce moment d'archéologie, comment s'est-il déroulé? Est-ce une découverte tout à fait par hasard? On peut l'imaginer, le hasard et la chance. Comment ça s'est produit? Alors le hasard, effectivement, parfois est très heureux. Et on a découvert deux fosses de l'époque de la guerre de 30 ans. Toutes les deux dans le nord ou l'est de l'Allemagne actuelle. La première, on l'a découverte en 2007 à Wittstock, et c'était l'une des très grandes batailles, octobre 1636. Une victoire suédoise alors. Et la deuxième a été une découverte faite en 2011 à Lützen, à côté de Leipzig, bataille dans laquelle le roi Gustave Adolphe trouve la mort. Une bataille confuse par ailleurs. Alors c'est avant tout celle de Wittstock, donc du nord hein, de l'Allemagne, qui a fait l'objet d'une très belle étude. On a une centaine de squelettes entiers qu'on a interrogés de façon tout à fait scientifique. On a par exemple trouvé l'âge moyen de ces soldats, qui est de 28 ans. Les plus jeunes ayant autour de 20 ans, le plus vieux ayant 40 ans. Il mesure 1m70, donc ça correspond tout à fait à la population de l'époque telle qu'on peut la reconstituer d'après les cimetières de l'époque, du Brandebourg aussi, donc cimetière voisin. Ce qui veut dire qu'on a accepté tout le monde comme mercenaire, il n'y a eu aucune sélection sur une aptitude physique particulière. On a pu reconstituer, d'après notamment leurs dents, leur alimentation, voir qu'ils avaient une alimentation meilleure que le reste de la population. Ils mangeaient plus de viande, plus de matières grasses. Les squelettes des autres contemporains ont les dents extrêmement limées par du très mauvais pain avec de la poudre, de la meule, dont on se servait pour écraser la farine. Donc poudre de meule, parfois même de la sciure de bois qu'on mélangeait au pain pour vendre ça plus cher. Donc meilleure alimentation, très grande carence, on trouve du rachitisme, du scorbut. Le scorbut, c'est un manque de vitamine C, le rachitisme, un manque de vitamine D. Et chez les soldats, beaucoup de syphilis. Hein, 10% des squelettes sont en état de syphilis très avancé. Et on peut reconstituer aussi leur mort, bon, aussi macabre que cela paraisse. En tout cas, les méthodes de combat On voit que certains sont allés en combat après des blessures antérieures. Par exemple, un est allé au combat en ayant une balle de fusil ou de mousquet, une balle de plomb. Hein. Le plomb est une matière toxique qui était déjà quasiment décomposée dans son thorax et il a continué à battre. Et on a étudié plus particulièrement certains dont on voit qu'ils ont d'abord reçu une balle de mousquet, donc soit en plomb, soit en fer, soit en pierre. Il n'y avait pas d'unité, il n'y avait même pas d'uniforme hein, des soldats. On se reconnaissait au drapeau arboré. Donc d'abord balle de mousquet, et ensuite vraiment en combat au corps à corps, hein, avec des frappes de hallebarde, un poignard, enfin toutes sortes d'armes à blanc qui sont employés lorsqu'il en va du corps à corps. Donc une méthode de combat extrêmement brutale. Hein. Et puis on voit ce qui est aussi intéressant, on a pu reconstituer l'origine géographique de ces soldats, qu'ils viennent très souvent de l'Écosse, qui était à côté de la Suisse l'un des grands bassins de mercenaires. Donc ils sont venus jusque dans le Saint-Empire. Et qu'on a enfermé dans la même fosse tête bêche, et non pas vers l'est, comme le voulait la tradition chrétienne, mais tête bêche, puis en couche superposée en raison du très grand nombre de soldats morts. On a enterré donc dans la même fosse amis et ennemis, donc ensemble. Hein, ce qui montre aussi la dimension européenne de la guerre de 30 ans. André Schuger, archéologue. La grande majorité des soldats a succombé aux maladies, même si certains sont vraisemblablement morts de faim. Il y avait toutes sortes d'infections et d'épidémies. Parfois, des régiments composés de 1200 hommes étaient envoyés en garnison. Et au bout de 3 ans, sans avoir mené aucune bataille, il n'en restait que 300 ou 400. Des manuscrits conservés à la bibliothèque de Berlin, décrivent la manière dont le peuple a vécu la guerre de 30 ans. Il y a notamment un journal dans lequel manquent les premières et les dernières pages. Ce journal a été rédigé par un soldat, probablement fils de meunier. Des recherches récentes ont permis d'identifier son auteur. Il est originaire des environs de Magdebourg. Il s'appelle Peter Hagendorf. À la page Wikipédia qui lui est consacrée, il est mentionné ce qui suit. Ce texte a été retrouvé par hasard en 1993 dans la réserve des manuscrits de la Bibliothèque d'État de Berlin. La partie retrouvée couvre une période de 25 ans, entre 1625 et 1649. Le livre a été obtenu à partir de 12 feuilles de papier pliées qu'il a achetées à la fin de la guerre de 1648 pour rédiger une copie de ses notes. Les 192 pages racontent un périple de 22 500 km à travers l'Europe, riche en batailles, en Italie, dans les États allemands, aux Pays-Bas espagnols et en France. Ce texte a été identifié par le professeur Jan Peters. Professeur Peters, dans une des collections du patrimoine culturel prussien, dans celle des manuscrits, vous avez retrouvé le journal d'un mercenaire de la guerre de 30 ans. Vous l'avez étudié de façon approfondie. Quelle est la particularité de ce journal ? Ce qui est remarquable, c'est le fait qu'un simple mercenaire laisse une trace écrite de sa vie et de ses activités durant la guerre. Il décrit sa vie quotidienne. Mais le fait de tenir un journal est tout sauf banal. Les écrits de cette époque, dont nous disposons, ont généralement été rédigés par des représentants des autorités, ou alors il s'agit de correspondances de personnages illustres, ou de chefs d'armée, connus de tous. Dans le cas présent, cet homme est un parfait inconnu. Donc vous avez eu accès à des pans de l'histoire à travers le vécu d'un mercenaire, on pourrait dire qu'il s'agit d'un point de vue historique venant d'en bas. Oui, c'est précisément ce qui m'a à la fois intéressé épaté et surpris, parce qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender la guerre depuis cette perspective. J'ajouterai qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'un homme comme lui s'exprime par écrit, comme l'aurait fait un fonctionnaire habitué à le faire dans le cadre de son activité. Cet homme n'était pas familier avec l'écriture. Il ne sait donc pas s'exprimer comme l'aurait fait un écrivain de son époque. Dès lors, ce qu'on apprend d'en bas est donc assez laconique, et on aurait souhaité en savoir davantage et connaître plus précisément ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait ou ce qu'il observait. Mais quoi qu'il en soit, de nombreux exemples le démontrent. Ses écrits constituent une trouvaille sensationnelle. Donc, le rédacteur de ce journal a mis par écrit ce qu'il vivait. Il n'a pas vraiment décrit les choses, il semblerait les avoir plutôt recensées de façon simple avec ses propres mots. Mais sachant qu'à l'époque, les couches inférieures de la population ne savaient pas écrire, comment se fait-il qu'il ait été capable de tenir un journal? Pour commencer, en tant que spécialiste de l'histoire agraire, j'ai constaté que la capacité d'écrire était nettement plus répandue que ce que nous supposons, notamment parce que les paysans du XVIe siècle devaient au moins savoir bien calculer, et les artisans devaient être capables de rédiger une facture et de comprendre ce qu'un fonctionnaire leur disait dans une lettre. Pour commencer, je dirais qu'à cette époque, pour peu qu'on n'ait pas grandi dans un village isolé, on pouvait apprendre à lire, écrire et calculer quand on vivait à proximité d'une ville dotée d'une école. On trouve d'ailleurs aussi des écoles dans les villages à partir du XVIIIe siècle. D'autre part, vous avez raison, cet homme ne maniait pas la langue de la façon dont on aurait pu l'espérer. Ce qui nous a contraints à nous demander ce que cet homme voulait dire et à chercher ce qui se cachait derrière ces mots. Pour reconstituer sa vie quotidienne, il faut faire une lecture très attentive de ce qu'il exprime, avec beaucoup de parcimonie. Alors, il semble qu'au début de vos recherches scientifiques, il n'y avait nulle part mention de l'auteur de ce journal. Et depuis lors, on sait qu'il s'agirait d'un certain Peter Hagendorf. Oui. J'aimerais bien savoir comment vous avez trouvé son nom. Le salut se trouve dans les registres d'église. Ah. L'auteur écrit qu'il s'est marié dans telle petite ville. Et quand il est devenu père, il a écrit que son enfant était né dans un autre endroit. On s'est dit que toutes ces informations devaient se trouver dans les registres paroissiaux. Si les dates qu'il donne sont précises, ces données devraient figurer dans les registres des églises. Autant que le pasteur de l'époque ait été suffisamment rigoureux pour consigner le nom du père et de la mère de l'enfant. C'est comme ça que j'ai trouvé son nom. Je ne sais pas combien de centaines d'archives de paroisses j'ai parcourues. Bah, j'exagère un peu, mais il y en avait plus de 100. Finalement, c'est ce nom qui est apparu comme étant le très probable auteur du journal. On n'en est pas certain à 100%, parce que le nom de sa fille, inscrit ce jour précis, ne correspondait pas exactement à ce qu'il indiquait. Mais, une fois de plus, j'ai eu la chance de trouver un étudiant motivé qui s'est montré un peu plus malin que moi. Il s'est dit qu'il n'y avait pas uniquement les archives de paroisse et qu'il fallait peut-être aussi y chercher ailleurs. J'ajoute en passant que lorsque le journal a été édité, j'avais lancé un appel demandant à tous ceux qui étaient susceptibles d'en apprendre davantage sur l'identité de son auteur de m'aider à le confirmer. D'accord. Le journal du mercenaire avait donc paru avec cette postface. Et l'un de mes étudiants a effectivement réussi à percer le mystère. Il s'est dit qu'une des villes citées était Mühlhausen, en Thuringe, où l'on trouve trouve des archives municipales qui ont été épargnées. Un des problèmes était que la guerre était passée. Elle a un rouleau compresseur sur le pays. Heureusement, cette ville avait pu conserver ses archives. Elle n'avait pas brûlé. Chance. On a trouvé une note indiquant que la ville avait livré telle quantité de fourrage et une pension aux malades et aux victimes dont s'occupait précisément ce Peter Heikendorf. Comme son nom est apparu dans ce contexte, on peut affirmer avec certitude que son identité est désormais connue. André Schuger, archéologue. Pendant la guerre de 30 ans, il était fréquent que les femmes et les enfants des mercenaires et des soldats fassent partie du convoi de ravitaillement et avancent avec les troupes. Ils vivaient sur le camp. Il y avait aussi des civils en fin de cortège. Ainsi, il arrivait que les armées soient beaucoup plus imposantes que leurs forces de frappe réelles, parfois deux à trois fois plus volumineuses que l'effectif réel de combattants. Les femmes et les enfants étaient obligés de supporter les longues marches qu'accomplissaient leurs maris. Ils étaient donc exposés à des conditions de vie éreintantes. Et les femmes étaient souvent victimes de fausses couches. Histoire vivante, cette semaine, les guerres européennes. Suite de l'entretien avec Claire Gantet. Claire Gantet, en quoi la longévité, le parcours et évidemment l'ouvrage, si j'ose dire, de Peter Heikendorf est représentatif? Est-ce que ça a été déjà une découverte, selon vous, importante, qui a permis de mieux comprendre la vie d'un mercenaire, peut-être plus que tout autre document, parce que là, il était émis par quelqu'un du terrain, posant sur papier ses conditions de vie et ce qu'il avait autour de lui. Alors c'est une découverte extraordinaire que ce journal de Peter Heikendorf, qui est là aussi le fait du hasard, qui nous éclaire la guerre vue par un mercenaire. Alors ce que l'on peut penser tout à fait généralisable, c'est d'une part l'endurcissement de ce mercenaire qui est habitué à la mort, qui est habitué à des conditions de vie extrêmement précaires et à des conditions de vie qui sont très fortement bouleversées. C'est une vie qui change continuellement, où l'on passe du plus au moins et du moins au plus constamment, enfin où il n'y a aucune stabilité. Hein. Soit tout est en surabondance, soit tout manque. Et ça, on peut penser que c'est tout à fait général. Par ailleurs, cette vie en marche continuelle, hein, il a, à vol d'oiseau, pendant ses 25 ans, il a effectué 22 400 kilomètres. Donc cette vie en marche continuelle, c'est sans doute tout à fait typique. Le besoin d'une famille, le fait que les trousseaux qui suivaient les armées étaient 4 à 5 fois plus importantes que les armées elles-mêmes, ça c'est aussi quelque chose de tout à fait important, comme le fait que la femme effectue des tâches pour l'homme, elle lave, elle fait la cuisine, elle coud les chaussures, ce qui est très important lorsqu'on est constamment en marche. Tout cela est sans doute très typique. Alors, ce qui est peut-être moins typique, mais la question est ouverte, c'est la question à la religion. On ne sait pas du tout de quelle confession il est, s'il est catholique ou protestant, alors qu'il est très clair que la religion est un refuge pour lui. Ce qui est moins typique, bien sûr, aussi, c'est le recours à l'écriture. Hein, et ça n'est pas le fait d'un hasard, si nous avons ce journal. On pense qu'il avait avait été à l'école et dans une école latine, donc il maniait bien l'écriture, et par ailleurs cela l'a sans doute protégé et cela explique sa survie pendant tant d'années. On a vu dans cette fosse, on survivait 3 ans et 4 mois en général à la durée du recrutement. Ici il a survécu toute la guerre, donc ce qui est tout à fait étonnant. Lorsque la paix arrive, il se trouve à Memmingen, il la prend de façon très distanciée, il se moque d'ailleurs de la fête qui est faite pour la paix en se disant « qu'est-ce que c'est ? On fête la paix comme si c'était Pâques ou la Pentecôte, alors que qu'est-ce que c'est la paix ?» Il devient garde de la ville, bon ça ce qui est assez typique, des soldats démobilisés, Et ce qui est aussi sans doute assez typique, ce que j'ai retrouvé dans d'autres sites, c'est que les soldats gardent leur habitude de consommation et notamment leur recours à la boisson, au vin, hein, et qu'il a un certain nombre de chutes qui s'expliquent très certainement par le fait qu'il était alcoolisé. Et finalement, la fin de ce journal, qui est une fin ouverte, disons, nous mène à penser qu'il part pour rejoindre une autre armée. Donc il n'arrive pas vraiment à se réinsérer dans la vie civile. Donc c'est un Dier, hein, qui est très fascinant, qui nous livre quantité d'impressions. Et je pense qu'on peut en tirer un certain nombre d'éléments généralisables. Néanmoins, là aussi, bien sûr, au niveau local, la guerre a été perçue de façon tout à fait différente, hein. Les paysans ont une perception tout à fait différente de la guerre. On a aussi un Dier ou un journal tout à fait fantastique d'un cordonnier de Ulm, de la ville de Ulm, sur le Danube, qui couvre là aussi toute la guerre, et qui nous apporte d'autres regards sur cette guerre. Claire Ganté, concernant la longévité du mercenaire Hagendorf, est-ce que celle-ci, pour ce que l'on peut en savoir, est considérée comme exceptionnelle, quasi magique? Est-ce un cas véritablement très original qu'un homme, qu'un mercenaire puisse tenir aussi longtemps, marcher autant de kilomètres, connaître autant d'épreuves dans sa vie et rester en vie et continuer de se battre? Alors, le journal de Peter Hagendorf dénote une énergie considérable. On retrouve ça aussi dans d'autres Dier. Face à l'adversité, il faut déployer une énergie considérable. On pense que ces facilités d'écriture avaient conduit au fait qu'il n'était pas envoyé directement au front, mais qu'il servait à soigner les blessés. Donc il restait un peu à l'abri de quantité d'affrontements. Il a été d'ailleurs blessé une seule fois, hein, pendant la guerre. Et cette longévité s'explique aussi par le fait, bien sûr, qu'il n'était pas au premier combat pendant toute la durée de la guerre. Pour les autres cas que je connais, par exemple ce cordonnier d'Ulm, là il est absolument clair que c'était une force de la nature, ce personnage. Il était d'ailleurs d'une stature, enfin, on le voit bien, d'après ce qu'il dit de lui-même. C'est un personnage particulièrement fort et qui sait résister à l'adversité. Mais le cordonnier accompagne les armées ou se bat-il lui-même ? Alors, ce cordonnier, il habite dans un petit village qui est à 20 km à l'ouest, ou pardon, au nord de la ville d'Ulm. Et à chaque fois que les armées arrivent, il fuit vers la ville d'Ulm. Hein, donc, il fait ses 20 km et ses fuites sont véritablement existentielles. Alors, il fait ses 20 km, bien sûr, parce que la ville est protégée par des remparts, hein, en espérant qu'il survivra. Et ces fuites sont véritablement existentielles pour lui. Il les numérote, hein, d'ailleurs, il fait 38 hein, durant la guerre de 30 ans, et il arrive à survivre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il était très sensible à toute l'information, alors que on est dans une période d'appauvrissement considérable, il y a un besoin d'information considérable. Il y a une trentaine de journaux qui existent en 1648. Hein, les tout premiers journaux, c'est au tout début du XVIIe siècle. Et alors il collectionnait, ou en tout cas il lisait, il recopiait les différents textes qui circulaient, imprimés rapidement, ce qu'on appelle des feuilles volantes, des petites brochures hein, qui circulaient. Il les commente ou il écrit lui-même des textes, il improvise. Donc il a une attention à l'information et qui est aussi tout à fait fascinante. Demain, la suite de l'entretien avec Claire Ganté et de l'évocation de la guerre de 30 ans. Afin d'approfondir votre connaissance de la guerre de 30 ans, Arte a réalisé une série historique intitulée « L'âge de fer » dont vous entendrez toute la semaine quelques extraits. Thank you.